السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله في الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني وغيره. والحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Quant au premier hadith, donc qui est le hadith numéro 31, qui est le hadith numéro 30, d'après Abi Tha'labata al-Khushani, Jurthum ibn Nashir radiallahu anhu, d'après l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: certes, Allah a fixé des obligations, ne les négligez pas. Et il a fixé des limites, ne les transgressez pas. Et il a rendu des choses illicites, ne les violez pas. Et il s'est tu à propos de certaines choses, ne cherchez pas à leur sujet. Hadith rapporté par Dar-Qutni et autres. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé les règles des jugements religieux en quatre catégories. Arba'ati aqsam. La première catégorie, al-fara'id, donc les actes obligatoires, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire à tout musulman. Donc il est obligatoire pour tout musulman d'accomplir, comme la prière, as-salah, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, la bienfaisance envers les parents, le fait de lier les liens de parenté, et autres actes d'adoration qui sont soit entre Allah subhanahu wa ta'ala et le serviteur, ou bien entre le serviteur et le reste des créatures. Donc ceux-là sont al-fara'id, les actes qu'il est obligatoire d'accomplir. Certes, Allah a fixé les obligations, ne les négligez pas. Puis la deuxième catégorie sont les choses licites, les choses permises, al-mubah, les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues licites aux serviteurs, qui sont la base de toutes les choses mondaines, qu'elles sont mubaha, jusqu'à avoir une preuve qui nous montre que cela devient illicite, comme les bonnes nourritures, les bonnes boissons, les montures, le commerce, ou autre chose faisant partie de ce qui est mubah, ce qui est licite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné dans le hadith par sa parole وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا. Et il a fixé des limites, ne les transgressez pas. Donc la personne ne dépasse pas ce qui est licite, ce qui est mubah, pour atteindre l'illicite, ce qui est haram. Cela comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, d'après l'essence du verset, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. Et voici les limites d'Allah, ne les transgressez pas. C'est-à-dire les choses licites. Ne les transgressez pas vers les choses illicites. Puis la troisième catégorie qui est le haram, les choses interdites, les choses illicites, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a cité par sa parole, et il a rendu des choses illicites, ne les violez pas. وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا. Donc les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues haram, illicites. Et donc pour ces choses-là qui sont haram, il est demandé aux musulmans, en plus de ne pas les accomplir, de s'en écarter. C'est-à-dire de s'écarter de toutes les causes menant à tomber dans ce haram. Donc ici, un point qu'il est important de comprendre, qui est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, en plus d'interdire le fait d'accomplir ce qu'il a rendu haram, a ordonné de s'écarter de toutes les causes menant à cela. Allah nous dit d'après l'essence du verset, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Et voici les limites d'Allah, ne vous en approchez pas. Donc dans le premier verset, فَلَا تَعْتَدُوهَا, ne les transgressez pas. Qui sont les limites, qui sont les choses mubah, les choses qui sont licites. Ici, فَلَا تَقْرَبُوهَا, ne vous en approchez pas, qui sont pour les choses qui sont haram, qui sont interdites. Donc l'ordre de ne pas s'approcher du haram est plus fort que l'ordre de ne pas l'accomplir. Car l'ordre de ne pas accomplir le haram englobe aussi l'ordre de délaisser, car l'ordre de ne pas se rapprocher du haram englobe aussi l'ordre de délaisser tous les moyens qui mènent à ce haram. Tous les moyens qui mènent à ce haram. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Et voici les limites d'Allah, ne vous en approchez pas. Et donc il n'y a aucun doute que le musulman qui met en pratique cela, c'est-à-dire de s'écarter du haram et de s'écarter en plus de ça de toutes les causes menant au haram, sera préservé de beaucoup de maux et de beaucoup de tentations poussant au haram par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les exemples à cela sont nombreux pour celui qui les médite. Puis, la quatrième catégorie, qui sont les choses à propos desquelles Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu. وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ. Et il s'est tu à propos de certaines choses par miséricorde envers vous et non pas par oubli. Donc, ici, les choses qui n'ont ni un texte montrant qu'elles sont licites et ni un texte montrant qu'elles sont illicites. Donc, alors, cette catégorie de choses entrera dans le licite, dans le moubah, c'est-à-dire donc les actes pour lesquels la personne n'est ni récompensée ni châtiée pour son accomplissement. Donc, il est permis à la personne de les accomplir. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous cite dans ce hadith la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu à propos de certaines choses. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, rahmatan bikum ghayra nisyan. Donc par miséricorde envers vous et non pas par oubli. Donc cela est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers laquelle Allah évite aux serviteurs d'être alourdis et de devoir accomplir des choses qui peuvent les peiner ou peuvent être dures à accomplir. Donc la personne ne doit donc pas, donc comme cela a été cité à la fin du hadith, s'entêter à chercher le jugement religieux de ces choses-là à propos desquelles Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, ô vous qui avez cru, ne posez pas de questions à propos de choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Puis jusqu'à sa parole, subhanahu wa ta'ala, qui nous dit, un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis devinrent par cela mécréants. Sourate Al-Ma'ida, versets 101 et 102. Donc le fait que la personne s'entête à vouloir connaître ces choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu, peut la pousser à, après avoir su le jugement de ces choses-là, à ne pas se soumettre, et donc cela sera contre elle et non pas dans son intérêt. Donc par miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ces choses-là n'ont pas été citées, non pas par oubli, mais par miséricorde provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, parmi ceux qui nous montrent l'importance de ce hadith, les propos de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, qui ont été rapportés par le noble savant, le shaykh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidhahullah. Donc, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, qui rapporte de Ibn Sam'an, rahimahullah, qui a dit, et quiconque donc œuvre avec ce hadith obtiendra certes les récompenses et sera à l'abri du châtiment, car il aura accompli les actes obligatoires, aura délaissé les actes illicites et se sera arrêté aux limites, c'est-à-dire au halal. Se sera arrêté aux limites, c'est-à-dire au halal. Et aura délaissé la recherche de ce qui lui est absent. Donc des choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu. Puis nous dit, rahimahullah, il aura alors accompli toutes les catégories de mérite et accompli les droits de la religion. Car toutes les législations ne sortent pas de ces catégories citées dans le hadith. Intaha kalamu, rahimahullah. Donc ces catégories qui sont ce qui est obligatoire, al-fara'id, ce qui est licite, al-mubah, ce qui est haram, ce qui est illicite, wa ma huwa maskutun anhu, les choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu et n'a pas cité. Puis l'auteur rahimahullah nous dit fil hadith al-hadi wa thalathin, le hadith numéro 31. D'après Abi al-Abbas, Sahl ibn Sa'din al-Sa'idi, radiallahu anhu, qui a dit, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre que si je l'accomplis, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, fais preuve d'ascétisme envers ce bas monde, Allah t'aimera. Et fais preuve d'ascétisme envers ce que les gens possèdent et les gens t'aimeront. Rapporté par Ibn Majah et autres, avec une bonne chaîne de transmission. Donc ce hadith a pour sujet az-zuhd, l'ascétisme, qui a été défini par Ibn Rajab rahimahullah comme étant le fait que la personne délaisse tout ce qui le distrait d'Allah. Le fait que la personne délaisse tout ce qui le distrait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne délaisse le surplus de choses qui vont le distraire d'Allah et de l'au-delà. Que cela soit dans l'excès de choses mondaines, dans l'excès de fréquentation, dans l'excès de paroles, dans l'excès de nourriture ou autre. Donc une cause qui fera ou qui mènera la personne à obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sans aucun doute une des plus nobles choses vers laquelle accourt tout musulman. Mahabbatullah. Puis sa parole sallallahu alayhi wa sallam est fait preuve d'ascétisme envers ce que les gens possèdent et les gens t'aimeront. Donc c'est-à-dire, ne convoitise pas ce que les gens ont entre les mains. Mais dirige tes demandes vers Allah subhanahu wa ta'ala en te passant des gens et en te passant de leurs demandes. Une chose qui fera que les gens t'aimeront. Et aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aimera. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole, certes Allah aime le serviteur pieux, riche et discret. Riche, c'est-à-dire qu'il se passe des gens. Il se suffit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se suffit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe des gens. Hada, wallahu a'lam, wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an ya'fu 'anna وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يقي سيئها إلا أنت اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته